Bonjour. Je viens de réécouter le bulletin de réinformation d'André Pitre ce midi. Puis il montrait des manifestants qui criaient après Trudeau: Shame on you, shame on you. Puis lui, savez-vous pourquoi ces manifestants-là se font pas arrêter? Parce que Trudeau, lui, est dans la guerre Israël-Palestine, il est des deux bords. Puis bah, bah, bah, bah, bah. Bon, là, ça va faire, là, à un moment donné, là. C'est quoi, ça fait quoi? On approche du 30 000 enfants morts, là, de morts. Le Hamas, il a été voulu par Israël puis les États-Unis pour des questions d'intérêt. Puis André Pitre, ben lui, comme il est d'origine maghrébine puis qu'il est adopté, je pense qu'il va être porté à polariser ça au niveau de son identité personnelle, puis il va prendre position sans voir au-delà du contexte. Parce que l'opinion qu'il donne à Trudeau, c'est la mienne. C'est-à-dire, moi, je suis né du bord d'Israël, né de la Palestine. Moi, je suis le bord des humains. Puis je suis contre l'injustice, c'est tout. Je suis né d'un bord, né de l'autre, parce que c'est des criminels des deux bords, à mes yeux. Parce qu'à mes yeux, le Hamas, ça a été financé par Washington, puis par Israël. J'allais dire par Jérusalem, mais d'habitude, on va aussi bien dire Tel Aviv. Hein, Tel Aviv. Donc, là, les raisons. Pourquoi ça de même? Moi, je l'ai dit souvent. Si vous ne vous intéressez pas à la finance, vous comprendrez jamais ce qui se passe dans le monde. C'est impossible. Parce que c'est la science de Lucifer, la science, la finance. Désolé de le dire de même, mais il n'y a pas plus luciférien. Il n'y a pas plus luciférien que la finance. Puis une fois qu'on comprend la finance, on comprend tout. Puis on se rend compte à quel point il y a de l'hypocrisie. Vous le savez qu'au niveau géopolitique, il y a une guerre avec l'Ukraine. Puis que ça joue beaucoup sur le gaz parce que la Russie, c'est la Russie qui fournissait en majeure partie l'Europe en gaz. Pourquoi il a été déclenché les affaires LS7? Pourquoi ça a servi de prétexte justement pour déplacer les Palestiniens puis continuer un génocide? Parce que c'en est un. Vous aurez beau mettre ça comme vous voudrez, et c'est un génocide, là. Pourquoi? Parce qu'Israël, ils ont l'intention, avec les Américains, l'Angleterre, puis d'autres, de construire une île artificielle au large de Gaza pour fournir l'Europe en gaz. C'est un projet, c'est des milliards et des milliards de dollars. Pourquoi? Pour des raisons géostratégiques liées à la guerre en Ukraine. Donc, ce qui était déclenché en octobre, il y avait des raisons liées à la finance, à la géostratégie, aux matières premières en arrière. Puis tout le reste, c'est du théâtre. C'est, les gens, ils souffrent pour vrai, là. Il y a des bombardements pour vrai. Mais c'est ça la raison. Parce que pour qu'ils soient placés de façon stratégique, Israël étant le seul réel allié, de l'Empire atlantiste au Moyen-Orient, il fallait l'endroit le plus stratégique, le plus ergonomique pour le placer, il faut que ce soit au large de Gaza. Faut que ce soit au large de Gaza. Puis il va y avoir beaucoup, beaucoup d'activités dans ce coin-là. Puis il faut qu'ils reconstruisent d'une certaine façon les structures de transport par rapport à ça. Il n'y a personne qui en parle. Il n'y a absolument personne qui en parle. C'est là, vous avez André Pitt qui est Lux Media. Faites quelque chose, faites partie de Lux Media. Comme ça, vous faites quelque chose. Non, c'est l'illusion de faire quelque chose parce que ce gars-là, il vous informe pas. Moi, je suis pas un informateur comme lui, mais j'ai pas la prétention de l'être. J'ai pas la prétention de l'être. Là, l'affaire, là, un bulletin de réinformation, ben la gang de Lux Media, allez voir TV Liberté. Voir c'est quoi? De la réelle information, parce que vous autres, ce que vous faites, c'est de l'éditorial, c'est de l'opinion, c'est du papotage, dans le fond. Puis les gens qui vous donnent sont dans l'illusion de faire quelque chose, alors que ils sont totalement passifs, puis ils écoutent du papotage, puis ils se pensent informés. Ils se pensent informés. C'est sorti dans le journal L'Humanité, ça fait un bout de temps qu'on est au courant de cette île artificielle-là qui va servir à remplir des tankers, des pétroliers, puis entre autres, aussi de gaz sous pression pour acheminer ça en Europe. Oui, c'est une arnaque, les gugus verts, puis tout le pétrole, puis le gaz, on en a encore besoin un bon bout de temps, surtout si on tombe en guerre. Les tanks, les bombardiers, ça marche pas à batterie. Alors, on peut pas juste envoyer des drones, des affaires de même, ça prend des gens sur le terrain, puis les motorisés de l'armée, les choses, ça marche, entre autres, c'est des combustibles fossiles. Donc, le prix du pétrole va remonter. Vous avez vu, là, il avait franchi, il était rendu pas loin des 100 piastres le baril de Brent. Ça redescendait un peu. C'est sûr, ça va remonter. C'est sûr, ça va remonter. Dans le fond, vous autres, l'info, vous donnez au monde. Vous autres, c'est d'avoir de l'argent. D'avoir de l'argent. Faites des dons, faites des dons. Mais les gens, au niveau de la finance, puis par rapport à leur finance, puis leur argent, je veux dire, moi, je suis pas conseiller financier, mais c'est arrivé que des gens me demandent conseil. Donc, dans ce temps-là, moi, je vous donne pas de conseil, genre que je pourrais être responsable de des pertes par après. J'essaye d'être éthique le plus possible, d'être l'éthique, d'être aussi le plus honnête possible. Mais j'ai toujours dit au monde, achetez de l'or quand c'était le temps. Acheter de l'or quand c'était le temps. L'autre jour, on a franchi les 2750 piastres l'once canadien. Il n'y a personne qui a acheté de l'or sous mes conseils qui le regrette, ça j'en suis persuadé. C'est pareil quand j'ai parlé juste avant les attaques de l'Ukraine d'investir dans le gaz et dans le pétrole. Là, ça redescendit un peu, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Les Américains sont en faillite. Sont en faillite. Puis à chaque fois qu'ils ont été en danger financièrement dans leur histoire, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déclenché une guerre. Ils ont déclenché une guerre. Puis si le Dow Jones est pas pire, puis si JP Morgan monte, puis tout, c'est parce qu'on est dans un climat de guerre. Puis tout ça va profiter à ces gens-là, qui est une petite poignée de gens. Moi, je me suis tout le temps dit. Ben, va falloir intégrer du luciférisme polarisé, c'est-à-dire manipuler ce qui nous manipule. Manipuler ce qui nous manipule. Ça a tout le temps été, entre autres, ça, entre autres, le but de s'il y a un petit côté instruction par rapport à ce que je fais. Mais là, l'affaire que Israël, ils veulent bâtir une méga île artificielle, c'est très gros, là, au large de Gaza, puis que c'est prévu depuis des années, puis que pour mettre leur projet. Rendre leur projet dans ces grosseurs, ils ont besoin, entre autres, de déplacer des gens, quitte à en éliminer. Ça, il n'y a personne qui en parle. Ça, il n'y a personne qui en parle. C'est certainement pas Luxmedia qui va en parler. Eux autres, c'est venir faire leur tour sur YouTube. On ne peut pas parler de ça, on ne peut pas parler de ça, c'est trop délicat. Venez vous abonner. C'est une stratégie de marketing à un moment donné, dans le fond. Puis c'est incroyable comment ça aura été de la diversion puis du divertissement. De la diversion puis du divertissement. Il y en a des vrais réinformateurs qui en ont parlé de ça. À quel point le gaz puis le pétrole, c'est ça l'affaire. C'est ça la clé pour comprendre tout ce qui se passe, entre autres la finance, puis ce qui se passe avec la dette américaine. C'est clair comme de l'eau de roche, ça va vous sauter d'en face. Ben non, on continue à prendre parti. Oh, ben les Palestiniens, oh, les Israéliens, les sionistes sont pas que. Wow, là. Il y a un seul ennemi sur cette planète-là. Puis, il est ni Palestinien, ni Israélien. Il est intercontinental, il est international, il est transnational, il est transidentitaire, il est tout ce que vous voudrez. Il est comme l'eau, il est informe. Puis il y en a qui veulent nous ramener ça à nous. Oh, l'ennemi sera en nous, il viendrait de nous. Câlisse de Christ que vous êtes épais. C'est pas drôle d'être spiritualisé à ce point-là. La spiritualité, là, c'est comme de la vaseline. Puis je mets là-dedans certaines religions aussi. Naïve, pratiquer naïvement. Notamment, il y en a qui pensent que, ben, si ici il y a eu un monstre, par exemple, même il y en a eu plusieurs, si c'est pas à cause de l'homme, hein, si y a eu un monstre, par exemple, il y a une certaine époque dans le Gévaudan, puis dans les Vosges, qui est allé manger des enfants vivants, des femmes puis des enfants vivants, parce qu'il obéissait à un instinct de survie, les prédateurs vont prendre le plus faible d'un groupe, ça vient de Dieu. Que ça fait pitié d'avoir un dieu comme ça. Ça n'a pas de bon sens, là. Oh, parce qu'a enlevé la fête de Saint-Sylvestre, Dieu dit, oh, je vais envoyer un monstre qui mange vivant des enfants. Et psychologiquement, avoir un dieu comme ça doit être très inconfortable. Très inconfortable. Ça, c'est un dieu que je me permets d'insulter puis d'envoyer chier. Puis si vous pensez que le docteur Mayou, il était rough, vous vous trompez. Parce que moi, je l'ai tout le temps trouvé bien fin, dans le fond, sur certaines affaires, là. Je n'étais pas d'accord sur tout avec lui. Mais il était gentil. C'est quand même quelqu'un de respectueux, pareil. Mais moi, j'ai tout le temps dans l'idée, est-ce que c'est ajusté ou pas? Si vous avez un Dieu qui n'est pas respectable, c'est-à-dire, bon, Dieu crée l'homme à son image, ensuite l'homme est coupé, il se crée un Dieu à son image à lui, donc la photocopie d'une photocopie d'une photocopie d'une photocopie. Après, on se demande pourquoi ils sont encore accrochés sous le ceinture suaire de Turin. Pour eux autres, c'est un spécialiste Xerox. Dieu. Hein? Puis, on enlève la fête de la Saint-Sylvestre, bon, on va envoyer des enfants se faire manger vivants. Donc, est-ce qu'on a toute notre tête? Moi, c'est la question que je me pose. La question que je me pose. Le Doc Mayou, je le considérais comme coupé de beaucoup de choses. Je le considérais comme limité, blablabla. Mais c'était pas un fou non plus. Tant que ça, là. Autant que ce que je vois, là. Je vais vous mettre un qui en a parlé de cette île-là, parce que il y a le journal de l'Humanité qui l'a publié, cette île-là artificielle qui va servir à approvisionner l'Europe en temps de guerre en pétrole et en gaz. Un qui en a parlé, c'est le docteur Leiby, mon arracheur de dents préféré. Donc, je vous mets l'article en description. Bonne journée.